Merci pour votre fidélité à nos ondes. Bonsoir et bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Suspension temporaire de la collecte des contributions données par des parents d'élèves à différentes écoles à Kayanza. Selon le directeur provincial de l'éducation dans cette province, ces contributions servaient d'usage inutile, vous l'entendrez. Et manque d'eau potable en colline Malambo 1 de la commune Lugombo en province Chibitoke. Les habitants parle de choléra comme conséquence de cette situation. Entre-temps, les habitants du quartier Nyabagere dans la zone Gihosha en mairie de Bujumbura, eux, vont bénéficier de 20 000 litres d'eau par jour donnée par la Croix-Rouge et la Protection civile. Un acte apprécié par ses habitants ainsi que les autorités à la base. On y reviendra tout au début de cette édition. Le président du Forum des organisations des producteurs du Burundi regrette que les agriculteurs qui ont déjà payé des avances pour les fertilisants FOMI ne seront pas servis avant la saison culturelle A. Il s'exprime après que le directeur adjoint de FOMI a indiqué ce mardi que cette usine fait face au manque de devises et d'électricité. Vous le suivrez. Voilà pour les titres de Régui Ngabilé. Je suis à la présentation. Eric Wimana assure la mise en onde. Les détails, c'est dans un instant. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bienvenue encore. Je venais de vous le dire, les habitants de la colline Malambo 1 en commune Lugombo de la province Chibitoke disent manquer d'eau potable, d'où la présence plutôt du choléra dans cette localité. Ses habitants utilisent l'eau de la rivière Nyakagunda. Ils demandent aux services habilités de les approvisionner régulièrement en eau potable sur les robinets publics. Suivez ce micro-trottoir. Si nous considérons l'enseignement qui était fourni dans le passé, c'était organisé de façon que tu sors des humanités avec un bagage et un niveau de telle sorte que tu puisses t'exprimer et créer un projet. Le nombre des élèves a aussi augmenté de façon exponentielle et cela a empiré les choses. Nos vieillards disent que le certificat du tronc commun est plus important que le diplôme des humanités d'aujourd'hui. Ce que nous demandons à l'État est qu'il donne une formation aux enseignants. Si nous analysons bien, les enseignants ne sont pas bien payés et ils mènent une vie difficile. Il peut y avoir qu'ils arrivent au boulot avec en tête les problèmes de la maison, le loyer, etc. Qu'ils aient effectué un long trajet avec tout cela, ils ne peuvent pas donner un enseignement de qualité. Ce que nous demandons, c'est que les enseignants soient mieux considérés pour qu'ils puissent vaquer à leurs occupations tranquillement, car si un pays n'a pas de gens bien éduqués, il ne se développe pas. La formation que percevaient les élèves dans le temps n'est plus pareille que celle d'aujourd'hui. L'élève qui a été formé dans les années antérieures est intelligent par rapport à celui d'aujourd'hui. Si on pose une question à un élève d'aujourd'hui, il risque de ne pas te répondre. C'est pas que les enseignants n'en font pas leur travail, ils le font. Mais je ne sais pas si le problème ne vient pas des élèves. On devrait mettre un accent sur la formation et surtout sur l'enseignement du Kirundi, car nous sommes des Burundais. À la régie des eaux en province Chibitoke, l'on fait savoir qu'il y a eu extension des quartiers et qu'ils sont en train de diversifier les sources d'eau. Le responsable appelle ses habitants à bouillir l'eau des rivières avant l'utilisation. Ils le disent après que le ministère de la Santé ait annoncé mardi qu'il enregistre 30 cas de choléra en mairie de Bujumbura, en province Bujumbura et province Chibitoke. Toutefois, en mairie de Bujumbura, 20 000 litres d'eau par jour et la quantité donnée aux habitants du quartier Nyabagere de la zone Gihosha en mairie de Bujumbura pour faire face au choléra où des cas ont été signalés. Cette quantité sera donnée par la Croix-Rouge et la Protection civile. Ces habitants, de même que l'administration à la base, apprécient ce travail et demandent une augmentation de cette quantité pour que les quatre cellules du quartier puissent sans difficulté. C'est un reportage de Jean-Marie Mayonga. Arrivé au quartier Nyabagere, tu vois les gens à la recherche de l'eau, là où il y a des robinets publics et les autres épuisés cette eau dans des tuyaux souterrains. Les habitants saluent positivement le travail accompli par la Croix-Rouge Burundi et la protection civile de leur fournir de l'eau potable en vue de se prévenir contre le choléra. Je viens puiser de l'eau, j'ai bien accueilli cette action qui va nous aider à se prévenir contre les maladies diarrhéiques et le choléra. Ces habitants demandent l'augmentation des litres de l'eau distribuée par jour, de même la construction des tanks dans toutes les cellules de ce quartier, afin que ceux qui y habitent trouvent facilement de l'eau potable. Nous sommes alimentés en eau potable, mais le quartier est trop vaste, composé de 4 cellules. Il fallait ajouter un autre tank pour que toute la population trouve de l'eau et lutter contre le choléra. Au sein de l'administration collinaire, Janine Nizgimana, une élue collinaire parmi les 5 élus de ce quartier, précise que la quantité distribuée ne peut pas suffire vu le nombre de ceux qui ont besoin de cette eau. Elle demande elle aussi d'augmenter ou non, de placer d'autres tanks dans d'autres cellules afin que la population trouve la quantité suffisante de l'eau. Le quartier Nyabagere a déjà enregistré les cas de choléra dans ces 2 mois écoulés. Merci Jean-Marie Mayonga. Certains parmi les représentants des Batois de Kirundo demandent que le quota ethnique inscrit dans la constitution soit changé pour que leur représentation soit équitable par rapport aux autres composantes ethniques. Cela est dit en se basant sur le nombre de Hutus et Tutsis qui sont dans les institutions du pays. Ils l'ont déclaré ce jeudi dans la commune de Kirundo lors des travaux du Sénat de consultation communautaire afin d'examiner si le système de quota ethnique dans l'exécutif, le législatif et le judiciaire est toujours nécessaire. La première vice-présidente indique que ces travaux ont pour but de collecter les avis et considérations divers qui serviront de base. Agnès Naumagazé nous en dit plus. Ces Batois de la province Kirundo disent qu'ils n'ont pas été inclus dans le quota ethnique d'une manière équitable par rapport aux autres composantes ethniques du pays. Ils soulignent que même dans les accords d'Arusha, ils n'ont pas été représentés car la seule candidate qui était présente dans ces assises était là en qualité d'observateur. Comme la même source continue à l'indiquer, dans la constitution, les Hutus sont représentés à 60% et les Tutsis à 40% et les autres groupements d'ethnie minoritaires, y compris les Batois. Ils réclament aussi qu'il y ait le quota destiné à la communauté des Batois comme des Hutus et des Tutsis. Il a aussi montré que cela a été demandé depuis la constitution de 2005 et celle de 2018, mais ça n'a pas donné toujours de bons résultats. Il demande que cet article 282 de la constitution soit amendé pour que les Batois atteignent le quota équitable. Il a aussi montré comment les Batois ne sont pas représentés dans différentes instances où il a donné un cas d'exemple où dans toute la province de Kirundo, 2 enseignants seulement sont de la communauté de Batois. Quant à l'administration, il a souligné qu'il n'y a pas d'administrateur communal ni collinaire de la communauté de Batois dans toute la province de Kirundo. Il a souligné cela en se basant sur le nombre de Hutus et Tutsis qui sont dans les institutions du pays et que ça fait que ces derniers se développent économiquement. Il salue les initiatives du gouvernement déjà faites et demande le changement du quota ethnique équitable. La première vice-présidente du Sénat indique que ces travaux ont été faits dans le but de collecter les avis et considérations divers qui serviront de base. Depuis Kirundo, Agnès Nahomagadze pour la radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Vous êtes toujours à l'écoute de la radio Isanganiro. L'actualité nationale continue. Page éducation. Le directeur provincial de l'éducation en province Kayanza a suspendu temporairement la collecte des contributions données par des parents d'élèves à différents établissements scolaires à Kayanza. Désiré Hatungimana fait savoir que certains responsables scolaires collectaient des contributions destinées à l'achat des équipements scolaires et que cet argent était détourné pour d'autres fins futiles. Écoutez. Nous venons d'instruire les directeurs communaux de l'éducation pour qu'ils puissent arrêter le mouvement de collecte des contributions de parents prétextant de réaliser tel ou tel autre projet ou bien d'acheter certains équipements des écoles. Ce qui nous a guidés, ce sont des contributions qui ont été collectées, soi-disant pour intéresser les bénévoles ou bien pour acheter certains équipements. Et par après, nous nous sommes rendus compte que les fonds qui ont été collectés ont été détournés par certains responsables scolaires. Alors que ces contributions écrasaient énormément les parents. Premièrement, c'était juste un rappel à l'ordre à certains responsables scolaires. C'était pour mettre de l'ordre dans certaines manières de faire de certains responsables. Il y avait quand même des écarts de comportement de la part de certains responsables. Mais aussi, c'était quand même pour alléger la souffrance de certains parents qui étaient écrasés par ces contributions énormes et illégales. Comme je vous le disais tantôt, c'est une mesure de suspendre momentanément, provisoirement, ces collectes, ces contributions de parents. J'ai même instruit au directeur communal de l'éducation de réanalyser les cas pour que, en cas de besoin, un responsable scolaire puisse se concerter avec les comités de gestion de l'école et demander l'aval de l'administration communale, mais aussi de la direction communale de l'éducation, qui pourront apprécier si réellement les règles ont été respectées en ce qui est de demande de contribution de parents. Parce que de telles contributions sont régies par une ordonnance ministérielle. Là, vraiment, pour un responsable qui va convaincre tous les partenaires qu'il s'avère nécessaire d'exiger des contributions de parents pour la réalisation de tel ou tel projet pertinent visant le développement de l'école, et les partenaires pourront donner favorablement l'avis. Parlons maintenant des nouvelles en agriculture. Le Forum des organisations des producteurs du Burundi, FOPABU en sigle, regrette que les agriculteurs qui ont déjà payé des avances pour les fertilisants FOMI ne seront pas servis avant la saison culturelle A qui approche. Jean-Marie Niongabo, président du FOPABU, qui le dit, s'appuie sur les propos tenus au cours d'une réunion d'échange ce mardi entre le Premier ministre et les intervenants dans le secteur agricole, au cours de laquelle le directeur général adjoint de FOMI a indiqué que cette usine fait face au manque de devises et d'électricité. Jean-Marie Niongabo demande plutôt au gouvernement de trouver une autre alternative, quitte à ce que les agriculteurs puissent avoir des engrais pour la saison culturelle qui approche. On l'écoute dans ses propos recueillis par Jean-Pierre Misago. Avant la réunion du Premier ministre, on avait de l'espoir que FOMI était en train d'approvisionner les fertilisants dans des stocks les plus proches. On avait apprécié les initiatives du gouvernement de prendre en main cette problématique des engrais. Maintenant, l'on peut dire que tout est tombé à l'eau. Nous n'avons pas de commentaires. À entendre que le directeur général adjoint de FOMI n'a pas pu dire que les fertilisants FOMI vont nous parvenir alors que les agriculteurs s'apprêtaient à semer pour la saison culturelle A, nous avons constaté que ça dépasse l'entendement. Nous demandons cependant au gouvernement, après avoir constaté que FOMI nous a trompés, qu'il prenne encore en main cette question, constater la vacance de FOMI et laisser les autres usines fabriquer ces fertilisants. Si possibilité il y a, de laisser les commerçants importer ces fertilisants à l'étranger pour que nous puissions continuer à bien vaquer à nos activités champêtres. Jean-Marie Niongabo était traduit en français par Évariste Nzikobanyanga. Page Justice pour boucler cette édition. Le travail d'intérêt général devrait servir comme peine alternative en vue de limiter la population carcérale au Burundi. C'est une analyse d'un avocat conseil qui indique que cette sanction prévue par le code pénal pour ceux qui devraient encourir au moins 2 ans d'emprisonnement n'a pas encore été mise en œuvre pour cause de manque de texte d'application. Maître Salvatore Minani précise en outre que le respect du code de procédure pénale demeure une nécessité. Suivez plutôt Maître Salvatore Minani au micro d'Alain Désiré Boukénéd. Si c'est le non-respect de la loi, il faut que la loi soit respectée. Le code de procédure pénale, les conditions doivent être observées. Et en commençant par la Constitution d'ailleurs. L'article 38 de la Constitution du 7 juin 2018 dit que toute personne, lorsqu'il y a une procédure judiciaire, doit être jugé dans les délais raisonnables et jouir d'un procès équitable. Le respect donc de la loi, mais aussi, si c'est l'ignorance, il faut que les magistrats soient formés. Et la formation doit être continue. Et si aujourd'hui, nous avons donc cette peine qui est souvent exécutée, l'emprisonnement, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres peines alternatives qui pourraient servir de solution pour cette surpopulation carcérale? Bien évidemment. Le code pénal, au niveau des principes, parle des peines principales applicables aux personnes physiques. C'est notamment l'amende, c'est la servitude pénale, mais c'est en troisième lieu le travail d'intérêt général. Et cette troisième catégorie n'est pas d'ailleurs appliquée. Mais je crois que la raison, c'est d'abord parce que c'est pas bien organisé. Parce que l'article 53 définit ce que c'est le travail d'intérêt général. C'est lorsque vous faites un travail non rémunéré à l'endroit d'une personne morale de droit public. Il faut que ces personnes soient connues, ces personnes morales. Et alors, il faut aussi cette formation, cette sensibilisation au niveau des juridictions, au niveau des parquets aussi, pour montrer l'importance de cette peine. Lorsque vous envoyez des gens à la prison, vous allez les nourrir. Il y aura la police qui doit les garder, vous allez payer la police. Et là, je dois rappeler que le travail d'intérêt général ne va pas être prononcé en même temps que la servitude pénale. Ou en même temps que l'amende. C'est l'une ou l'autre. C'est lorsque le juge croit qu'il peut prononcer une peine de servitude pénale de 2 ans maximum, il a le droit de remplacer cette peine par une peine de travail d'intérêt général. Point final à cette édition. Merci pour votre attention de Rebinga Bilejete à la présentation. Eric Wiman a assuré la mise en onde. Excellente suite et programme sur Isanganilo.